Quand Charles monta les escaliers pour rejoindre sa chambre, précédé par Nanon, il se dit « Que dame mon père m'envoie-t-il faire ici ?» Il demeura pantois au milieu de sa chambre. Il regarda sérieusement la grande Nanon et lui dit « Ah ça, ma chère enfant, suis-je bien chez M. Grandet, l'ancien maire de Saumur, frère de M. Grandet de Paris ?»« Oui, monsieur, chez un ben aimable, un ben doux, un ben parfait monsieur. Faut-il que je vous aide à défaire vos mal ?»« Ma foi, je le veux bien. » « Qu'est-ce que je suis venu faire ici ?» se dit Charles en s'endormant.